lieutenant gouverneur du parc du Bois de Coulonges. L'œuvre est diffusée toutes les 20 minutes entre 10h et 18h les fins de semaine du 5 et 12 septembre. Plus de détails au capital.gouv.qc.ca. Bonsoir tout le monde, hey, on est content d'être là. Bienvenue à l'épisode 9 de Genix et Climax 80. Vous écoutez CKRL, le 89.1, et c'est à Québec. De bonnes chansons à ce soir pour vous autres. On a un spécial, ça va être un petit peu plus franco ce soir, un peu plus de musique francophone. On est reconduit sur CKRL pour la saison et pour cet hiver. Donc, on est ravis. Voilà. On va avoir Beau Dommage, on va avoir Sonny James, on va avoir Félix Leclerc. On retourne aux sources. Ben oui, hein, c'est la rétrospective. Puis on va avoir un petit spécial Kiss ce soir aussi. Restez des nôtres sur Genix et Climax 80 à CKRL. Climax 80, c'est d'abord un feuilleton radio et c'est sur une œuvre exclusive et c'est dit par l'auteur lui-même, Monsieur Florian, votre animateur sur les ondes de CKRL tous les jeudis de minuit à 2h du matin. Genix et Climax 80, c'est donc une émission à caractère littéraire, mais pas que ça, les amis. Les auditeurs y trouveront, à chaque épisode, un programme musical aussi incroyable qu'éclectique, composé des plus grands succès de la décennie 80. Un petit synopsis pour les gens qui viennent juste de nous rejoindre sur le seul feuilleton radio, les amis, dans l'entièreté du monde français. Donc, on est ici à CKRL, on est ravis de faire partie d'une expérience aussi exclusive et inusitée Donc voilà, on va y aller avec le synopsis du feuilleton. Donc, ça se déroule au milieu des années 80 et ça se passe dans la belle ville de Québec. Et c'est au sujet des tribulations sentimentales et masturbatrices d'un jeune ado de 15 ans qui, suite au divorce de ses parents et donc à l'éclatement de ses valeurs et de sa famille, cherche l'exutoire. Et donc, l'exutoire, chers amis, on le cherche tous. Il était une fois des gens heureux. Mais où le trouver? C'était en des temps plus silencieux. On va écouter Nicole Martin, la belle Nicole, qui nous a quittés il n'y a pas tellement longtemps, avec sa belle chanson. Ça disait toujours le monde est beau, il est les gens heureux. Il était une fois les gens heureux. C'est ce soir à CKRL, il est minuit 5. Vous écoutez le 89 en l'univers immense qu'il disait béni de Dieu. Il était une fois des gens de paix, mais vers les années de vent mauvais, à table il y eut des chaises vides, aux yeux vers les rides, il ne resta plus rien de vrai. Il ne faut pas chercher savoir où s'en va le temps, il s'en va. Pareil aux glaces dans le Saint-Laurent, on fait toute la vie semblant qu'on va durer toujours. Alors, précédemment, dans Genix et Climax 80, on a vu donc qu'on a pris le temps quand même d'asseoir notre truc bien comme il faut. On a eu notre préface qui a duré deux épisodes. Et donc, c'était constitué d'une longue parlotte au sujet des années 80, etc. Donc, voilà. Ensuite, épisode 3, 4, 5 et 6, on a présenté notre Genix, enfin le héros de notre feuilleton, qui s'est réveillé chez le chum de sa mère. On a vu pourquoi, on l'a vu jongler dans la douche au sujet des amoureuses secrètes et des questions d'argent, des questions de résultats académiques ou de situations académiques. Donc voilà, donc dans la septième, on l'a vu la participation, sa participation au spectacle d'Iron Maiden. Et donc dans le huitième épisode, le dernier, on a vu notre Genix dans une espèce de rétrospective où on essaie de comprendre qu'est-ce qui l'a amené comme ça là, la musique aussi étrange, enfin les monstres, les films d'horreur, la science-fiction, enfin tout ça quoi. Ça vient d'où ça? Et c'est là qu'on était rendu. Donc, on va pouvoir y aller avec notre première séquence de cette soirée, du 11 septembre. Si je peux trouver mes papiers, ça va mieux aller. Non. Évidemment, on est... Ah, voilà. Donc... séquence 1, et c'est à la page 93. La séquence s'intitule « La génération X ». En fait, il s'agit de la séquence ultime de la dernière, du dernier épisode. Donc, la génération X... voilà comment les sociologues et ingénieurs sociaux en tout genre ont décidé de nous nommer. Telle une simple variable X qui en influence une autre et en influence une autre et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Génération qui n'a pas vraiment de nom, donc celle qui ne va nulle part et qui ne changera rien, ni ne révolutionnera quoi que ce soit. On nous considérait aussi comme la génération du jour d'après. Et je vous assure que personne, le soir de la première mondiale de ce film, The Day After, sur ABC, personne n'avait eu l'idée de prononcer cette fameuse phrase classique placebo. T'inquiète, c'est qu'un film. Ça va bien aller. Non. Pas cette fois-là. Le monde entier s'en était allé au lit, traumatisé, avec la peur au ventre que cela nous arrive à nous aussi, un de ces jours prochains. À l'école, le corps enseignant semblait aussi sonné que nous et nos parents le lendemain. Je me souviens qu'en classe, on n'avait pas fait grand-chose ce jour-là, à part qu'échanger nos impressions sur ce film horrifiant de la veille. Le prof nous avait même un peu briefé sur le monde communiste, dont certains élèves croyaient également dur comme fer avoir entendu dire qu'en URSS, ils dévoraient les enfants. Moi, je n'y croyais pas trop, mais je n'en savais trop rien en fait. On nous avait aussi parlé du président Reagan, Ronald, le chef du monde libre, l'ancien acteur de Hollywood. Lui, c'était les seconds rôles dans les films de John Wayne, des westerns, des films de cow-boys. Il avait aussi visionné le même film que nous sur ABC, en même temps que tout le monde. Il nous avait livré ses impressions dès le matin, publiquement, faisant part de son inquiétude pour les générations futures. Bien entendu, le président Reagan renvoyait la balle à son homologue soviétique, Gorbatchev, le type de la perestroïka. Celui à la grande tache de vin sur le front. Bien sûr, j'y étais moi-même allé de ma petite anecdote de classe, histoire de tuer le temps restant avant la récré. En effet, je leur avais raconté cet épisode survenu l'été précédent, en route pour la Malbaie, lors d'un trajet de voiture. On écoute Nana avec ses 99 und Luftballon sur Genix et Climax 80 ou ACKRL 89.1. Vous écoutez la radio la nuit à Québec. We'll be right back. On a écouté Nena, 99 Lost Balloons. C'était un gros hit de 1983. C'était une chanteuse allemande, en fait, qui chantait pour la paix à l'époque, entre l'Est et l'Ouest. C'était bien avant la chute du mur de Berlin. Donc, l'Allemagne de l'Ouest et de l'Est étaient divisées en deux. Et il y avait environ 3000 tanks de l'OTAN qui étaient stationnés juste à la frontière de l'Allemagne de l'Est et sans doute autant, sinon plus, de tanks russes du côté Est. Et donc, ça menaçait à tout bout de champ d'éclater. Et Nena, eh bien, nous avait montré la voie vers la paix, vers la détente, et avec cette excellente chanson, 99 Left Balloon. Allons-y avec la deuxième séquence qui s'intitule « La bombe à neutrons ». C'est à la page 95. À la radio, la musique s'était interrompue pour un bulletin spécial de dernière minute sur les tensions Est-Ouest qui étaient soudainement montées à leur paroxysme. Les médias nous bombardaient de flashs radio sur toutes les fréquences AM, FM. Moscou s'apprêtait à tester sa première bombe à neutrons. Pour moi, à cet âge, rien que le mot « neutron » me semblait aussi fascinant que le tout nouveau super-vilain de l'univers Marvel. Il aurait sans doute pu donner du fil à retordre même à Thor ou aux Avengers. Neutrons. Mais pour le coup, j'avais senti que mes parents étaient réellement inquiets, cette fois. De mon côté, dans la voiture, le nez éternellement plongé dans ma BD, je perdais pourtant pas un mot de leur conversation, ni de ce qui se disait à la radio. Je n'avais que 10 ans, mais d'après ce que je comprenais, il fallait mettre pleinement sa confiance en la personne de notre Premier ministre, l'honorable Pierre Elliott Trudeau, le père de Justin, ainsi qu'en l'éminence de son gouvernement, pour nous sortir carrément de la zone de tir si nécessaire. Minuit 17 à Québec, vous écoutez Sultans of Swing and the Dire Street. Vous êtes sur CKRL 89.1. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside. In other places, but the horns they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. His dad and old guitar is all he can't afford. When he gets up under the lights to play his thing. Sultans, we're the Sultans of Swing. playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. Dire Straits, Sultans of Swing. Allons-y tout de suite avec la séquence 3 de notre soirée. Et ça s'intitule Être Canadien. Après tout, n'était-ce pas là tout l'avantage d'être Canadien? En tous les cas, moi, c'était bien ce que j'en retenais. Bénéficier de tous les privilèges d'un Américain états-unien, donc avoir le NORAD, de même que le monopole planétaire du gaspillage. Monopole des meilleurs movie stars, de même que des meilleurs rock stars. Ensuite, rouler des mécaniques et cela jouait beau gosse. Partout où la situation le permet. Avoir aussi toujours à portée de main un flingue ou une pute de luxe dernier cri. D'un simple coup de fil, les meilleurs fast-food de la planète, hot-dog, pizza, burger, burrito, sushi, c'est toi qui vois. Même du chinois, ou des merdes dans des petites boîtes de carton, ça le fait aussi. C'est à la pointe de ce qui se vend le mieux en termes de retombées fécales. Ça se fait livrer, puis ça se laisse manger. Ça se chie comme un charme. Bien sûr, on avait aussi l'argument classique de nos grands espaces à la campagne pour organiser des rodéos ou enfin entreposer tous nos déchets toxiques, de même que toutes nos belles affaires, toutes nos vieilles voitures cassées dont on ne veut plus. Elles seraient livrées aux tiers-mondistes. Ils seraient super contents, allez. En Afrique et au tiers-monde, on leur enverrait absolument toutes nos merdes invendues. Ça serait pratiquement gratos. Nous, ici, on voulait du flambant neuf, garanti au moins jusqu'au premier versement. On avait déjà à l'époque découvert un exemple du vice du pouvoir. Exemple, savoir en temps réel la météo à Fort Lauderdale ou à Vancouver. à Edmonton, à Saskatoon, simplement par une vulgaire petite pression du doigt sur le câbleau sélecteur. Et à deux rangées de boutons, s'il vous plaît. Le câbleau sélecteur, c'était un symbole d'opulence dans les bungalows, un symbole de somnolence. Avec lui, nous avions trouvé la corde, le fil pour nous pendre avec dans l'ascenseur social. Alors, on va aller tout de suite à une petite pause publicitaire et on va aller à une super belle chanson qui va illustrer le dernier passage. Donc, ça va être une chanson de Plume la Traverse en sortant de la pub et ça s'appelle Striptease. Et en passant, je vais vous parler juste avant la pub là, du festival du film du cinéma de Québec, le festival qui est en cours et qui va durer jusqu'à dimanche. Donc ça a commencé ce soir, je crois. Et donc à la place du Ville, ils présentent des films en plein air et moi je trouve ça très sympathique. Ils devraient faire ça plus souvent. Et voilà. Donc on va aller à la petite pub tout de suite, à la pause publicitaire. Et on va revenir. CKRL 89.1. Devenez membre de CKRL ou renouvelez votre adhésion pour seulement 25 $ avant le 29 septembre à 17h et courez la chance de remporter votre adhésion membre à vie d'une valeur de 500 $ et 100 $ de marchandises aux couleurs de CKRL. Renouvelez ou adhérez dès maintenant par téléphone ou en personne et en ligne sur le ckrl.qc.ca. À ne pas manquer à l'Anglicane de Lévis. I cried only one tear for us today. Jeudi 2 octobre à 19h30, Martha Wainwright signe un retour en force avec un cinquième album en carrière, Love Will Be Reborn. I take the throne and throw away the crown. Riche en matériel original, l'album s'inspire des récentes années qu'a vécu l'artiste. Vendredi 3 octobre à 19h30, la talentueuse artiste jazz Suzy Arioli promet une expérience enchanteresse qui touchera les cœurs et fera vibrer les corps. Informations et achats au espace dcl.ca. Ces jours-ci, à votre Légion locale, on fait les choses différemment, avec pour mission de soutenir les vétérans, de s'amuser et d'accueillir tout le monde dans nos rangs. Pas besoin d'être un vétéran pour adhérer à la Légion. En tant que membre, vous vous joindrez à des milliers d'autres au service de nos vétérans, nos communautés et notre pays. Et grâce à notre programme Member Perks, vous économiserez des milliers en magasins, au restaurant et sur des produits et services dans tout le pays. Adhérez à la Légion.ca. Tous les mercredis, dès 11h30, CKRL présente en collaboration avec l'AQDR Section Québec l'émission Aînés, on vous écoute. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées est un organisme sans but lucratif qui veille depuis 35 ans à la défense individuelle et collective des droits des personnes aînées. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0. Les 20 et 21 septembre, Montcalm Blues revient pour une deuxième édition. Deux jours, deux scènes et une dizaine de spectacles gratuits sur l'avenue Cartier et chez les commerçants. Terrasse animée, ambiance de quartier unique et chaleureuse. Montcalm vibre au rythme du blues. Un rendez-vous à ne pas manquer. Toutes les infos sur quartiermontcalm.com. De retour à notre feuilleton radio, votre feuilleton préféré, Genix et Climax 80 sur CKRL. Allons-y avec la fin de la dernière séquence et on va enchaîner ça avec une excellente chanson de Plume la Traverse qui est un habitué sur Genix et Climax 80. C'est sa chanson Striptease. Le câbleau sélecteur, c'était un symbole d'opulence dans les bungalows, un symptôme de somnolence. Avec lui, nous avions trouvé la corde, le fil, pour nous pendre avec, dans l'ascenseur social. C'est beau de vous voir la fin de semaine, votre transitor sur votre bédaine, parqué en plein milieu de notre beau parc, la fontaine. Un hamburger, ketchup, oignon, un Pepsi d'un verre de carton, en écoutant maman bonbon sur le gazon. Puis je me sens vraiment sous mon toit. C'est beau de vous voir à Sainte-Agathe avec vos varices et votre Kodak, jouer aux touristes dans tous les magasins de la place. Gros motel, toute commodité, douche aquarium, waiter chromé, pis les petits arbres plantés à deux pieds du highway. Que je suis donc fier d'être québécois, pis je me sens vraiment sous mon toit. Dans le fond de votre verre, assoiffé comme des vers de terre, tourné en rond dans votre petit univers de bière. Tous les petits intellectuels qui mangent des toasts chez Bourgetel, en essayant de monter le petit tour de Babel. Je me sens vraiment sous mon toit. Oh sous ton moi. Oh yeah! Striptease, Plume la traverse. On vient de l'écouter. Je suis bien fier d'être québécois. On va dédier cette chanson à notre ami Tigui, Guy Deschaines. Salut Guy. On te l'a dédié celle-là. Et puis, on va la dédier aussi à Maryse, Datoura, Sakura, Emma. C'était pour toi, cette chanson. Et on va aller tout de suite à la séquence 4, à la page 97. Ça s'intitule Cependant, le Canada. Cependant, pour moi, à l'époque, le Canada, ça allait encore bien plus loin. Pour plein de gens, on incarnait l'Amérique des gentils. Un pays dont on n'entendait jamais parler aux infos parce que tout fonctionnait bien, paisiblement, sans histoire. un endroit où tout était gratuit et où les gens souriaient vachement souvent dans une journée, à commencer par le dentiste. C'était un peu pareil à l'état du Vermont, mais en beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Dans notre cas spécifique, je croyais fermement que pour nous, Canadiens et Canadiennes, tous ces bienfaits devaient venir sans les désenchantements des lendemains d'holocauste nucléaire et d'oblitération totale de notre civilisation. Sinon, à quoi ça servait de payer ces impôts, si on n'était pas un peu protégé de la destruction totale? Notre charte canadienne des droits et libertés ne nous garantissait-elle pas effectivement l'immunité, ainsi que la jouissance paisible de la poursuite du bonheur? Donc on n'avait pas à avoir peur. On était protégé. On avait les grands espaces, les montagnes rocheuses et tout le reste. Putain, on avait en plus Trudeau, le père, et la cavalerie de la police montée. Alors c'est bon, lâche l'affaire, gros, ça va bien aller. Vous comprendrez donc que je restais plutôt stoïque, sinon indifférent, quant à tout ce climat de guerre froide, de peur et de haine dans lequel je grandissais malgré tout. Cela ne faisait que s'ajouter à l'univers sci-fi qui prenait de plus en plus de place dans mon monde imaginaire, s'enrichissant ou s'abêtissant de tout ce qu'il pouvait trouver à intégrer. Jean Lapointe. Le bon Jean Lapointe, avec mon oncle Edmond. Il est 12h37, le temps est clair. Vous êtes sur CKRL 89.1, la radio, la nuit, à Québec. On a hamburger, moutarde, relish, pis palos, quand il est assou. Do you want a shot? Yes, why not? Bon matin, sans dire un mot, Edmond a sacré le camp. Il est parti pour l'Ontario, ouvrir un restaurant. Il faisait des yip yip, do you speak English? Me, I can talk faster than you. One hamburger, moutarde, relish, pis est à l'ousse quand il est assoul. One shot, yes, why not? Les poches bien pleines et puis la tête corée, on leur connaît sa bulle. Il faisait des yip yip, do you speak English? Me, I can talk faster than you. Mais là c'était vrai, puis ça m'était triste, puis était même pas sous. Do you want a shot? Yes, why not? Par une journée ensoleillée, Edmond est disparu. Avec lui, escadine, patché, puis on l'a jamais vu. Il faisait des yip yip, do you speak English? Me, I can talk faster than you. Want a hamburger, moutarde, relish, puis est à l'ousse quand il est dessous. Do you want a shot? Jean Lapointe. Il parle la langue. Mon oncle Edmond. Passed away. Uncle Edmond. Sometimes on me. Yeah. Allons-y donc, les amis, pour une nouvelle séquence. C'est la séquence 5 de notre soirée, donc page 98. Le terroir idéal. J'étais donc le terroir idéal pour ce genre musical nouveau. Mon goût particulier se creusait toujours plus de jour en jour pour toute cette prolifération de groupes hard rock qui n'était pas vraiment proposé par les médias de masse, télévision, journaux et radio. Ces groupes puisaient généreusement dans toute cette contre-culture de l'étrange, afin d'alimenter leur imagerie de même que les textes de leurs chansons. Cela dit, musicalement parlant, j'étais déjà prêt, bien avant Iron Maiden, à faire mon chemin en dehors des sentiers battus du mainstream. Spécialement grâce à un autre groupe culte pour toute ma génération. À mon avis, plus qu'aucun autre groupe depuis les Beatles, ils avaient fait loi dans la culture adolescente des années 70 jusqu'au début 80 et même jusqu'à nos jours. Je parle bien entendu du groupe le plus hot au monde, The Hottest Band in the World, Kiss. Detroit Rock City, du groupe Kiss. Vous êtes sur CKRL, le 89.1. I'm Alors, de retour, il s'est passé un truc, on ne sait pas, mais c'est pas grave, parce qu'on est de retour sur Genix et Climax 80, votre feuilleton radio préféré. Et donc, allons-y donc, avec notre sixième séquence de la soirée, à la page 98, ça s'appelle New Yorkais. Oui, les Kiss étaient new-yorkais. Ils alliaient à la fois un rock assez dur, très pur et parfaitement steady, comme ils auraient sans doute pu le qualifier eux-mêmes. Ils étaient quatre. Ils avaient deux chanteurs principaux, le guitariste rythmique et le bassiste, qui écrivaient l'essentiel de tous les morceaux, tout comme les Beatles. Mon seul et unique groupe préféré de l'époque, dont ma mère avait été une fan inconditionnelle de la première heure. Elle les avait même vus à la télé, lors de leur premier passage en Amérique, au Ed Sullivan Show. Vous vous rendez compte du truc historique ? On écoute The Beatles, Bad Boys. Now, Junior, behave yourself. Yeah, Bad Boys, The Beatles. Séquence 7, ça s'intitule Kiss. Alors, tout comme les Beatles, Kiss se produisait devant des foules en délire, dans des stades immenses, ou alors dans des arénas gigantesques. Toutefois, la ressemblance avec les Fab Four s'arrêtait à peu près là. Kiss, c'était pas un groupe comme tous les autres. Ils se maquillaient et se costumaient. Ils intégraient un jeu de scène qui les transformait tous les quatre à chaque concert en d'espèces de créatures allégoriques. Chacune d'elles régnant dans sa bulle, selon son univers propre. D'abord, il y avait Paul, chanteur-guitariste, le sex-symbole, la rockstar, avec sa fameuse étoile noire à l'œil gauche. Ensuite venait Jane, le bassiste démoniaque, muni de sa panoplie de l'horreur qui crachait sang et feu lorsque venait son grand moment, God of Thunder. Ensuite on trouvait mon favori de la première heure, Ace Frehley, guitariste héros s'il en est. Lui, c'était l'extraterrestre du groupe. Il chantait aussi quelques chansons, dont une de celles que je préférais entre toutes. Shock Me. Surtout la version du disque Alive 2. Avec son super solo. Intarissable. Bien sûr, n'oublions pas non plus Peter Criss, le batteur, qui évidemment ne cassait pas des briques. Mais qui tenait quand même la route comme batteur. Son personnage à lui, c'était le félin, élancé, effacé, mystérieux. Il chantait même un de leurs excellents titres, une de leurs rares ballades. Ça allait comme ça. Beth, I hear you calling, but I can't come home right now. Enfin, bref. On va écouter de nouveau Kiss et cette excellente version de Ace Frehley et son immense tube Shock Me. C'est sur CKRL le 89.1, les amis, la radio, la nuit, et c'est à Québec City. Hey! On va aller à une courte pub et on vous revient tout de suite après sur CKRL. Devenez membre de CKRL ou renouvelez votre adhésion pour seulement 25 $ avant le 29 septembre à 17h et courez la chance de remporter votre adhésion membre à vie d'une valeur de 500 $ et 100 $ de marchandises aux couleurs de CKRL. Renouvelez ou adhérez dès maintenant par téléphone ou en personne et en ligne sur le ckrl.qc.ca. Plongez dans l'histoire méconnue de Ville-Jacques-Cartier. Face au béton vorace et à un promoteur véreux, un poète se dresse, dernier rempart contre l'oubli. Mettant en vedette Jean-Marc Dejean, Pierre Curzi, France Castel, Michel Lélaurier et Gaston Lepage. Voix du passé et souvenirs s'entremêlent pour créer une véritable ode au patrimoine ouvrier de Ville-Jacques-Cartier, havre où résonnaient jadis les espoirs et les luttes. Ville-Jacques-Carton de Jean-Marc Heroy et André Forcier, au cinéma dès le 5 septembre. Ne manquez plus jamais de café à la maison. Inscrivez-vous dès maintenant au service d'abonnement Mon Café de Café Barista Micro-Torréfacteur pour recevoir chaque mois votre café livré directement à votre porte. En plus d'obtenir automatiquement 15 % de rabais sur vos commandes de café. Pour plus d'informations et pour vous abonner, rendez-vous au cafébarista.ca. À ne pas manquer à l'Anglicane de Lévis. I cried only one tear for us today. Jeudi 2 octobre à 19h30, Martha Wainwright signe un retour en force avec un cinquième album en carrière, Love Will Be Reborn. I take the throne and throw away the crown. Riche en matériel original, l'album s'inspire des récentes années qu'a vécu l'artiste. Vendredi 3 octobre à 19h30, la talentueuse artiste jazz Suzy Arioli promet une expérience enchanteresse qui touchera les cœurs et fera vibrer les corps. Informations et achats au espace dcl.ca. Savez-vous que les milieux humides atténuent les effets des inondations et des sécheresses et qu'ils protègent ainsi nos collectivités et soutiennent la production alimentaire? Ils représentent 6 % de la surface de la Terre, mais stockent 33 % du carbone de la planète. Si la vie vous tient à cœur, remerciez un milieu humide. Renseignez-vous sur les milieux humides au travail auprès de Canard Illimité Canada. Consultez le site canard.ca/milieu-humide. Tous les samedis à 15h, le voyage se poursuit sur CKRL avec Simplement Rosine et Michel Lavallée. Ensemble, nous partons du côté des Antilles, de l'Amérique latine, de l'Afrique, de l'Asie et ensuite nous revenons au Québec. Mesdames et messieurs, suivez-nous et ensemble bâtissons des ponts. De retour à Genix et Climax 80 sur CKRL 89.1. Donc, on va présenter un peu l'émission pour les nouveaux. On a toujours des nouveaux, j'imagine. Hein? Il y a toujours des gens qui zappent un peu en voiture ou ailleurs, enfin, au travail, qui cherchent quelque chose de frais. Et l'émission Genix et Climax, eh bien, c'est tout à fait frais. C'est d'abord un feuilleton radio, d'après une œuvre originale et encore inédite, Genix et Climax 80, c'est le titre du bouquin. Le texte est interprété par l'auteur lui-même, M. Florian, votre animateur, tous les vendredis, de minuit à 2h du matin. C'est donc une émission à caractère littéraire et un programme musical aussi incroyable qu'éclectique, qui est composé pour vous des plus grands succès de la décennie 80. On y va aussi avec un petit synopsis, allez, tant qu'à faire. Donc, c'est au sujet donc des tribulations sentimentales au milieu des années 80 dans la ville de Québec. Des tribulations sentimentales et masturbatrices d'un jeune adolescent de 15 ans qui, suite au divorce de ses parents et à l'éclatement de sa famille, cherche l'exutoire dans la musique métal et la semi-délinquance. On peut donc y aller avec notre séquence 8 de ce soir. C'est à la page 100, les amis. Aïe, on est rendu à page 100 déjà. Bon, écoute, C'est déjà ça de prix. Donc, page 100. Ça s'intitule « Le référendum ». Bref, mon engouement pour Kiss remontait à l'été de mes 9 ans. Cela suivait justement le premier référendum sur l'indépendance du Québec, celui de 1980, celui qui opposait Trudeau à Lévesque, deux expressions antagonistes du Canada et du Québec. Mes parents, pareils à la majorité de cette nouvelle classe moyenne aisée canadienne-française, s'étaient rangés, sans que cela ne leur coûte une seule heure de boulot, du côté de Trudeau et des forces fédéralistes du non. Je ne pourrais dire aujourd'hui si leur choix était motivé par leur amour du Canada ou simplement dicté par leur attachement à la stabilité économique du pays. Ça nous permettait tant de confort et de beaux voyages sur la côte est, in the USA, dans le Maine, le New Jersey, en Virginie et jusqu'en Floride, notre bien-aimé Sunshine State, toujours à rutiler de soleil. John Mellencamp, Hurt So Good. Vous écoutez CKRL, le 89.1, la radio la nuit à Québec. John Mellencamp, Hurt So Good, c'est l'année 1983, je pense, 82. Ça jouait beaucoup sur la plage, en tout cas. Allons-y donc avec notre séquence 10. Non, plutôt la séquence 9. C'est à la page 100. Ce dont je suis sûr, c'est que dans ma famille, surtout du côté de mon père, on avait trimé dur pour assurer le train de vie qu'on affichait chez nous. On revenait de très loin. On était d'autant plus convaincus qu'il était hors de question de retourner à faire partie des pauvres. Oh que non. Donc, en jouant safe, en votant non au référendum, comme le suggérait Trudeau père, on votait en fait oui à notre niveau de vie. Oui au bungalow, avec le sous-sol fini, ainsi qu'au plafond de miroir, au bar capitonné et surtout bien approvisionné. On disait oui aux deux bagnoles, super propres et payées cash down, stationnées dans notre belle cour asphaltée et d'ailleurs parfaitement goudronnée. On disait oui à notre pouvoir d'achat sur la côte Est. Oui à toutes nos bébelles ad mari, usque ad mare. On refusait clairement à 59,56% l'incertitude des lendemains de la veille que nous proposait le Parti québécois de René Lévesque, les syndicats de professeurs, les fonctionnaires, les étudiants, ainsi que tous les BS de Montréal. C'est donc dans ce contexte effervescent que Kiss est entré dans ma vie, exactement comme une furie passionnée, en plein durant cet été-là. Après la fièvre référendaire de 80, ma famille et moi, grâce au travail et à la constance de citoyens modèles de mes parents, nous avions, depuis presque un an, accédé au-dessus du panier de la classe bungalow. J'ai skippé son exemple. Jerry Boulet, il nous chante un beau grand bateau. C'est sur CKRL, au 89.1 à Québec. Si le silence craque pour couper l'hiver en deux, vous avez tout fait pour ça. C'est bien de votre faute si je me souviens de vous. Si le silence tombe pour couper l'amour en deux, vous savez tout faire pour ça. C'est bien de votre faute si je me rappelle à vous. Vous m'avez monté un beau grand bateau. Vous m'avez fait de bien grandes vagues. Si le silence passe pour le monde en deux, vous savez tout faire pour ça. C'est bien de votre faute si je me colle à vous. Si le silence coule pour couper le jour en deux, vous savez tout faire pour ça. C'est bien de votre faute si je me parle de vous. Vous m'avez monté un beau grand bateau. Vous m'avez fait de bien grandes vagues. Si le silence rentre pour couper la poire en deux, vous avez tout fait pour ça. C'est bien de votre faute si je me moque de vous. Le silence veille pour couper le cœur en deux. Vous avez tout fait pour ça. C'est bien de votre faute si je m'éloigne de vous. Vous m'avez monté un beau grand bateau. Vous m'avez fait de bien. Vous avez monté un beau grand bateau. Jerry voulait un beau grand bateau. On continue de nous monter ce beau grand bateau, je trouve, en tout cas, au municipal, au provincial, au fédéral. On nous monte des beaux grands bateaux. Jerry avait bien raison. On le salue, Jerry, en passant. Salut, Jerry. Je suis sûr que d'où tu es, tu regardes le Québec d'aujourd'hui, puis tu dois bien te fendre la gueule. On nous prend vraiment pour des cons. Des ânes. Des bœufs. Enfin, bref. Allons-y donc. Avec une nouvelle séquence. Ça s'intitule « Plus proche de l'école ». C'est la séquence 11. C'est la dernière séquence pour ce soir, les amis. Et parce que, en fait, je vais garder en fait, ça clôt un chapitre, on va dire. Et donc, la semaine prochaine, on va rentrer dans une nouvelle séquence. Donc, donc on a du temps. On est ensemble jusqu'à 2h du matin, les amis. Donc, on verra. On verra, nous, on improvise ici à Gen X et Climax 80, votre feuilleton radio préféré. Allons-y donc pour la 11e et éventuellement dernière séquence de ce soir. Page 101. On avait déménagé plus proche de l'école. J'étais juste à la fin de ma 3e année d'élémentaire. J'avais déjà eu 4 saisons pour me familiariser avec la vie de mon nouveau quartier. Le vagabondage à bicyclette, en skateboard ou à pied pour tous les gros mois d'hiver. On marchait au moins 3/4 de mile pour aller à l'école, 3 fois par jour. Car mon père nous épargnait le trajet du matin en venant nous reconduire devant l'entrée principale de l'école tous les jours avant d'aller à son boulot. Pas une seule craque du trottoir minuscule qui serpentait le long de la rue commerciale jusqu'à l'école, qui ne nous fût parfaitement familière, à mon frère et à moi. Après toute une année scolaire de ce trajet des plus récurrents, j'étais devenu un crack des expéditions buissonnières en tout genre, à travers la paroisse, dans le cap du Petit Ruisseau Rouge, ou encore derrière l'école de l'Aube-Rivière. Toutes ces aventures m'avait bien aidé à creuser mon trou de gentil petit bronzé, mais surtout très teigneux. Je répondais toujours du tac au tac si on voulait me chercher des noises, à moi ou à mon frérot. Après quelques saisons, j'en étais venu à connaître tous les petits voyous de mon âge, et même certains anciens, les gosses de 13 ou 14 ans, qui menaient leur speedo avec le guidon inversé et qui portaient leur paquet de Dumouriez sur l'épaule dans la manche de leur t-shirt. Même mon parler, jusque-là irréprochable, prenait cette note interlope dès que je mettais le pied dans la rue devant chez nous. J'en arrivais non seulement à influer volontairement sur mes intonations, à commettre exprès les erreurs communes de français, mais encore à blasphémer autant que ma conscience me le permettait, afin de gagner et donc de mériter le respect de tous les habitants impitoyablement sauvages et étranges de ce nouveau monde qui me fascinait et qui m'appelait. Eh bien non, non, non, il ne s'agit pas de la cabale au Canada, mais elle nous conduit tout droit en voyage, c'est le titre de sa chanson, à Claude Dubois, un grand ami et un grand talent canadien. Notre cher Claude Dubois National, je pars en voyage. Comme tu voudras. 1h17 sur Québec City. Vous écoutez CKRL. Le 89.1. gagne, qu'importe l'argent. Comment faire pour te plaire? Dis-moi où sur terre. C'était « Tu pars en voyage » de Claude Dubois. On met des chansons ce soir à caractère francophone, plutôt québécoise, parce que, bon, on a parlé du référendum et aussi sur Genix et Climax, donc on parle des Genix, et donc nous, les Genix, ici, au Canada français, on a été habitué autrefois à avoir une communauté artistique très large. On avait des super musiciens, des super chanteurs, donc on en présente quelques-uns ici. On essaie, on n'est pas chauvin, mais on essaie enfin de diffuser notre culture finalement, dont je crois on est les derniers gardiens, nous les Genix. Donc, essayons de transmettre ce que nous, on a pu, ce qu'on a pu avoir comme richesse, on devrait quand même essayer de le transmettre aux générations qui suivent, qui nous suivent, et à celles qui viennent. On devrait même aussi, nous, commencer nous-mêmes à faire de la musique, à écrire des pièces, à écrire des choses, à faire des trucs, des films. On s'endort un peu, je trouve. Ça a changé beaucoup. Mais tout n'est pas perdu, les amis. On continue et on essaye. Déjà, on a du pain sur la planche, mais on continue. Et donc, on va y aller avec une nouvelle séquence, finalement. Alors, ça s'appelle « L'été de mes 9 ans ». C'est à la page 102. L'été précédent, donc, celui de mes 9 ans, on avait déménagé dans cette bonne vieille rue François-Thomas, juste un peu en biais du cimetière de Saint-David Beach, sur la rive sud, qui surplombait le fleuve sur le promontoire opposé à celui des plaines d'Abraham. Même mon grand-père paternel, Paul, y était enseveli. À Saint-David, je veux dire. C'était peut-être un peu pour ça que j'avais passé une bonne partie de notre premier été là-bas, à flâner à travers les allées rocailleuses et paisibles du vieux cimetière. Il dort encore tranquillement à l'heure où j'écris, en attendant d'être déraciné, lui aussi, sans doute. Garde mon bras et tiens ma main un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller encore plus loin. Laisse mon bras et tiens ma main. On écoute la grande Ginette Renault avec C'est beau. C'était très beau cette chanson. Et donc on commence à être sentimental là, sur Genix. C'est la fin. Enfin, c'est la fin. Il nous reste encore une bonne grosse demi-heure. On est ensemble jusqu'à 2h du matin, les amis, sur CKRL 89.1, la radio. La nuit, je suis là, à Québec. Là aussi, je ne tombe pas. Non, j'y suis. Je ne tombe pas. C'est beau. C'est beau. Si tu voyais le monde, au fond là-bas.

talentueuse artiste jazz Suzy Arioli promet une expérience enchanteresse qui touchera les cœurs et fera vibrer les corps. Though your face is charming, it's the wrong face. It's not his face, but it's a charming face. Informations et achats au espacedcl.ca. Le clap. Présentement à l'affiche. Downton Abbey, la grande finale, la conjuration, le dernier rite, la venue de l'avenir, Ville-Jacques Carton, pris au piège, les roses, Mexico 86, Phoenix, on ira, aimons-nous vivants et heure de disparition. Le clap pour les amoureux du cinéma. Clap.ca. J'aime le cinéma. Les geeks contre-attaquent, c'est tout d'abord un anglicisme, hein? Mais c'est aussi un magazine d'actualité geek animé par des passionnés. Vous serez intéressé peut-être par Eric, qui, des fois, a de la misère à se souvenir de quelle date qui est. Ou peut-être Mikey G et ses jeux de mots à l'emporte-pièce. Peut-être que ce serait Conan, avec ses connaissances en cinéma. Ou Philippe, avec sa passion pour Star Wars et les films louches. Ou peut-être même Stéphane, pour Stéphane, non? C'est Stéphane. Et bref, c'est les samedis, c'est de midi à 14h, donc vous n'avez pas besoin de nous chercher, c'est de midi à 14h. Je suis certain qu'il y a une joke à faire avec ça. Je suis tellement certain. De retour à l'émission Genix et Climax, épisode 9. On est venu à bout de nos séquences ce soir. On a eu 12 séquences. On est rendu à page 102. C'est presque la moitié du bouquin. Donc, bravo. Bravo tout le monde, les auditeurs. Bravo Lana, notre régisseuse. Bravo aussi pour l'émission qui nous précède le jeudi, c'est Ton oreille à soif. C'est une émission qui dure sur CKRL depuis 20 ans. Donc ils fêtent cette année leur 20e anniversaire, on les félicite et donc bravo Ton oreille à soif, l'émission sur CKRL 89.1. C'est l'émission, je pense, qui a eu la plus longue longévité. Et on a eu le plaisir tout à l'heure d'être leur invité en toute fin d'émission. Moi, je les écoutais déjà avant. Et d'ailleurs, Gilles, on te salue si t'es là. Gilles, salut. Toi aussi, t'es un écouteur, un auditeur de Ton oreille à soif. Et donc, voilà. Alors, donc, comme je disais, c'est tout pour ce soir pour le feuilleton radio, mais on est ensemble jusqu'à 2h du matin, les amis, et on va y aller avec une excellente chanson. On va être plutôt dans le répertoire québécois francophone ce soir jusqu'à la fin de la soirée, et donc on va y aller avec une excellente chanson de Beau Dommage que tout le monde connaît. C'est le blues de la métropole. 1h31 sur CKRL, le 89.1, la radio, où il y a du monde qui vous parle, il y a du monde en live qui vous parle, au 89.1 à Québec. J'ai plus quoi dire à mes amis, non. deux, trois qui sont rendus un peu trop beaux. Même Jésus-Christ a embarqué mon ancienne blonde dans son troupeau. Tous mes amis sont disparus, et moi non plus, je me reconnais plus. On est 10 000 à rue Saint-Paul, avec le blues, la métropole. Ces élections, si je m'ennuie trop, vous êtes bien mieux, vous êtes bien mieux de faire attention là. Attention, mais qu'est-ce qu'un gars peut faire quand il a plus le goût de boire sa bière, quand il est tanné de jouer à mer avec la fille de son voisin. Tous mes amis sont disparus, puis moi non plus, je me reconnais plus. Avec le blues, la métropole. Avec le blues, la métropole. Le blues, la métropole. 1h35 à Québec. Alors, donc, on va aller avec une autre chanson, une excellente chanson du répertoire. Donc, c'est, on pourrait dire, le mentor de la chanson québécoise, on va dire. C'est Félix, Félix Leclerc. Et on va dédier cette chanson à notre beau petit homme, Léon. Si tu nous écoutes, Léon, retourne te coucher. Donc c'est pour toi, Léon, mon fils, de Félix Leclerc, sur CKRL. J'ai pensé qu'on pouvait pas faire un hommage au génie canadien-français sans mettre une excellente chanson de Félix Leclerc. Donc on écoute Félix Leclerc sur ses carrières. Ça nous ramène à des sonorités qu'on n'est plus tellement habitué d'entendre. Je t'ai montré, mon fils, ce que j'ai fait de mieux. Un soleil plein les nues, des aurores boréales, des cascades d'étoiles tombant dans le néant, sur les branches du vent. Je t'ai prêté, mon fils, 60 ans d'une vie, 5 fois celle du cheval, 2 fois celle de Jésus. T'en as passé 40 à te ronger d'angoisse, à boucher l'horizon, n'y laissant que des fentes. t'ai-je pas donné? Talent, santé, salaire, enfant, saison, maison, et femmes à aimer. T'as préféré les routes, nu comme un épervier, manteau de la déroute, sur blessure cachée. Orgueilleux, toi de glaise, tu me mets mal à l'aise. Quand ils ont vu la mer, tes yeux, quand ta langue a goûté le vin, tu m'as souri, je crois, une des rares fois. Il est temps que tu rentres, fini l'émigration, les transits et les voyages, il est l'heure, couche-toi, et viens dans mon royaume, tu ne partiras plus. Viens pour te reposer, viens savoir si j'existe. Fils, Félix Leclerc, c'était dédié à Léon, notre petit homme. Aïe, la finale de ce morceau-là, le disque en entier d'ailleurs, c'est orchestré vraiment, là, c'est extraordinaire. C'est nous qui avons fait ça, les amis. On se contentait pas de peu, quand on regarde un peu en arrière. C'est pas qu'on veut vivre dans le passé, mais c'est que je pense que des fois il faut regarder un petit peu en arrière pour pouvoir sauter plus loin. Et je pense que c'est le temps qu'on prenne conscience d'où on vient, qui on est. Et voilà. Allons-y donc, histoire de alléger un peu l'atmosphère. On va y aller avec Willie. Il y en a, tu connais Willie? Willie Lamotte. Et son excellent tube des années 70 avec Dominique, notre Dominique national. On la salue. Salut Dominique. Toujours au taquet. Allons-y donc sur ces chorales avec il y a toujours moyen de moyenner. C'est tout de suite. On écoute. La porte sur le nez, il faut se dire y a toujours moyen, moyenné. Y a toujours moyen, moyenné. Y a toujours une façon de passer. On n'a pas raison d'être pris pour de bon dans la vie. Eh hein? Oui, ma petite fille, mais t'apprends quelque chose, moi, ok? Y a toujours moyen, moyenné. Mais quand on est pogné comme moi, ça, ça fait pas de doute. On a pu prendre tout le coup de dire y a toujours moyen, moyenné. Y a toujours moyen, moyenné. C'est facile à dire quand c'est pas doué qui se fait maganer en cherchant de moyen, moyenné. Qui? Ah, ouais. ça fait pas de problème, je te compte pas d'histoire. Tu veux rien d'histoire. Ben non, ben non, Manuel. Mais tu veux rien savoir. Non, je veux rien savoir, puis tu me fais pas à quoi. Tu as toujours moyen de moyenner. Je te le dis. Dire une autre chose, ma petite fille, que tu sais pas, toi. Y a toujours moyenne, moyenne, et toujours une façon de s'en tirer. Je savais. C'est ce que disent les gens qui sont pleins d'argent, qui ont pas de problème. Y a toujours moyenne, moyenne, y a toujours moyenne, moyenne, mais quand on est cassé comme moi. Wow, wow, wow, je te crois pas. Moyenne, moyenne, on n'a pas le moyen de se le payer. Hey, je vais te dire avec ton traîneau. Hey, je te raconte pas d'histoire, là. T'as rien que des noirs. Ben non, voyons, Manuel. Toi, tu veux rien savoir. Non, je veux rien savoir. Puis tu me feras pas à croire qu'il y a toujours moyen de moyenner. Oui, oui, oui. Manger, je suis cassé, mais tu ouvres. Ben voyons donc, mais niaiseux de me dire une affaire de même, parce que je vais te croire. Mais oui, mais tu peux me croire, tu veux, je te dis que c'est ça. Crois-moi, crois-moi pas, c'est ça. Il n'y a plus moyen de moyenner ou il y aura toujours moyen de moyenner? Ben va taper le bac avec des diamants. Mais oui, mais puis mon cheval, lui, il va manquer un fer. Peut-être. Il y a toujours moyen de moyenner. C'était pourtant un adage de notre peuple. D'être habitué à moyenner, parce qu'il y a toujours moyen de moyenner. Et donc, on lance un appel pour la première fois ce soir. En passant, on va saluer des amis, on salue Michel. Michel, c'est toi qui nous a donné l'idée, cette idée qu'on va mettre sur le champ en exécution. On salue aussi Audrey-Anne, salut Audrey-Anne, salut Jean-Simon. Merci pour la belle soirée de l'autre soir. Et les autres amis, on vous salue, les amis sur Facebook, sur X, on vous salue. On espère que vous parlez autour de vous, de cette fantastique émission, cette expérience sociologique particulièrement exclusive qu'on vous balance chaque semaine, tous les jeudis, de minuit à 2h du matin, les amis. Vous pouvez aussi écouter l'émission... bon, on n'a pas toujours le temps là, de l'écouter en live, mais vous pouvez l'écouter aussi en podcast, en balado. Donc, vous allez sur le site de CKRL et vous syntonisez. Enfin, vous allez sur la programmation, vous regardez vendredi, et c'est la première émission du vendredi, donc à minuit, vendredi minuit. Donc, voilà. Venez nous voir aussi sur Facebook, là, venez nous donner nos impressions. Et donc, là, tout de suite maintenant, on va essayer un truc. S'il y a des auditeurs qui ont un téléphone et qui sont pas en train de conduire sur une route particulièrement sombre et qui zigzague comme ça, là. Donc, mais pour les autres, eh bien, pour la prochaine chanson, là, la prochaine chanson, ça va être Serge Fiori, mais vous avez quelques minutes pour nous appeler ici au studio de CKRL pour nous donner, pour nous suggérer une chanson. Une demande spéciale. Donc, le premier arrivé, le premier servi. Donc, c'est au 88-640-2575. 88-650-2575. On attend votre appel, les amis. On y va tout de suite avec Serge Fiori et un musicien parmi tant d'autres. Salut, Serge. J'espère que d'où tu es, tu nous souris. Et j'espère que la musique est bonne. On écoute Serge Fiori, Harmonium, sur CKRL. Jouer son rôle, rideau, monter, descend. Un musicien se serre les dents, il le sait bien. 88-640-2575, appelez-nous pour nous donner ben, la dernière chanson de la soirée. Il faut que ce soit une chanson des années 80 ou des années 70. Autant que possible en français. Donc appelez-nous, les amis, au 640-2575, c'est dans le code 418. fort. Il était une fois comme le rideau sur une corde, musicien monte et descend. Serge Fiori, c'était notre petit hommage pour Harmonium et Serge Fiori qui nous a quittés il n'y a pas tellement longtemps. Avec lui, c'est un peu de nous qui s'en va. Et donc, nous aussi, on s'en va. On va vous dire au revoir et à la semaine prochaine. On vous laisse déjà vaquer à vos choses ou aller dormir. Venez nous voir aussi. Là, on n'ira pas se coucher tout de suite. On va aller prendre un petit verre au quartier de Lune où il y a mon ami Stéphane Morin qui fait sa soirée karaoké comme tous les jeudis soirs. Alors, on vous invite, si vous êtes dans le coin, c'est à Limoilou, sur la 3e avenue. C'est tout pour cette semaine, les amis, pour Genix et Climax 80. Vous écoutez CKRL, le 89,1, la radio, la nuit, à Québec. À la semaine prochaine, les amis. Bonne nuit. Membre de CKRL ou renouvelez votre adhésion pour seulement 25 $ avant le 29 septembre à 17h et courez la chance de remporter votre adhésion membre à vie d'une valeur de 500 $ et 100 $ de marchandises aux couleurs de CKRL. Renouvelez ou adhérez dès maintenant par téléphone ou en personne et en ligne sur le ckrl.qc.ca. Cet été, plus de 35 000 personnes ont vécu le mini-golf Belleville Plaisir dans le quartier Montcalm à Québec. Un parcours inusité créé par 28 artistes en art contemporain. Et ce n'est qu'un début. L'été prochain, le mini-golf partira en circulation dans une nouvelle ville de la province. Pour suivre l'aventure, visitez exmuro.com ou atelierbelleville.com. Vous avez envie de vous dépasser, vous détendre, évacuer votre stress? Cet automne, c'est au Centre Mgr Marcoux que ça se passe. Que ce soit via des sports de groupe, des activités culturelles ou du loisir actif et éducatif pour les jeunes, notre programmation de loisirs saura vous satisfaire. Pour plus de détails et vous inscrire, visitez notre site Internet au centre mgrmarcoux.com ou téléphonez-nous au 418 661 7766 poste 22A. Faites vite, la session débute le 15 septembre. À ne pas manquer à l'Anglicane de Lévis. I cried only one tear for us today. Jeudi 2 octobre à 19h30, Martha Wainwright signe un retour en force avec un cinquième album en carrière, Love Will Be Reborn. I take the throne and throw away the crown. Riche en matériel original, l'album s'inspire des récentes années qu'a vécu l'artiste.